Moi, je suis né, frère, dans le ghetto, franc-français, et je le regrette pas. Moi, je suis né, mec, dans le ghetto, franc-français. Moi, je suis né, frère, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi, je suis né, mec, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi, je suis né, frère, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi, je suis né, mec, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. C'est MKAK47, ça c'est pour mes grecs qui pèsent les racistes, qui font du pire pour s'en sortir. Faut pas punir Clodo, ici ça braque les bureaux, t'as passé barbare comme toi, ça t'a pas si t'es un ça va pas. Écoute bien à taille, si tu veux pas que je te fais un deuxième trou de balle, cours, cours, sinon je te jure qu'MK va sauter. Moi je toute la chaîne, sur un prison, son produit maison, j'encule leur nation et tout qui va avec. Mon petit, si tu regardes bien dans ce monde-là, trop ça. Trop de boycott, trop de meufs, non, trop de racistes qui mériteraient juste un coup de calibre. Si tu sais même pas que chez moi les tout petits en 5 minutes de base, en 10 secondes te font un tube sorti tout droit de la rue. T'as le but, moi ce qu'ils veulent, c'est que je veux, c'est le but que tu baisses ta jupe, que je te casse le cul. Chut, chut, c'est il est 6:33. Moi je suis né, frère, dans le ghetto, français, et je regrette pas. Moi je suis né, mec, dans le ghetto, français, et je regrette pas. Moi je suis né, frère, dans le ghetto, français, et je regrette pas. Moi je suis né, mec, dans le ghetto, français, et je regrette pas. Voilà ta croix, c'est qui se braque pour 50 balles. Écoute pas comme d'hab, je retourne pas ma veste. Un pétard sa mère, je démarre au quart de tour. Dans ma putain ton gris, où ça sort des putains calages. Pour braquer ton rêve enfoiré, alors écoute ça. C'est pas calant, on veut tous en sortir comme nos frères. Évitez de manger une balle pour que ta calage ne pardonne pas. Voilà mon poème, sorti tout droit de mon ghetto. Moi quand je prends le micro, c'est pour tous mes sacs qui partent en prison. Qu'ils enculent leur institution, garçon, qui me condamne pour insulter. Rien mon vieux handicap. Un politique merdique, arrive c'est 33. L'Afrique c'est pas cheap du loto, mais c'est cheap du ghetto. Écoute mes potes sur tout faux, écoute bien Sarko. Je prends ta meuf en le grec, c'est qui est en balle. Casse-toi de là, car je mets pas des sandales à 10 balles. Si tu ouvres le bal, je pète le trou de balle. Moi je suis né frère, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi je suis né mec, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi je suis né frère, dans le ghetto, français, et je le regrette pas. Moi je suis né mec, dans le ghetto, français, et je le regrette pas.